Section 73 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 3e, section 73. Les accroissements de l'armée allemande, par le lieutenant A. Froment. Lorsqu'après la guerre de 1866, l'Europe était à peine revenue de la stupéfaction que lui avait causée la rapidité et l'importance des succès remportés par la Prusse, jusque-là peu considérée, sur l'Autriche, tenue au contraire en grande estime, au point de vue militaire surtout, beaucoup ne pouvant encore renoncer à leurs préjugés, à leur manière de voir superficielle, attribuèrent au fusil à aiguille la victoire complète des armées du roi Guillaume, dans cette lutte si impopulaire au début, en Prusse même, qu'on l'avait surnommée la guerre d'un seul homme. Cet homme était Monsieur de Bismarck, celui dont une autre guerre a fait le Reichskanzler, le chancelier de l'Empire. Ses succès étaient les siens, car, assisté du maréchal de Moltke, il les avait préparés, élaborés silencieusement, et avait su donner à son pays cette constitution militaire redoutable que peu à peu, mais trop tard hélas, les autres puissances lui ont servilement emprunté. C'est cette organisation datant de près de 75 ans, mais sans cesse perfectionnée, complétée, aggravée, en 1860, 1867, 1874, 1880, 1887, et enfin, hier même, poussée à ses dernières limites, dont nous allons rapidement examiner les phases successives. Mirabeau l'a dit. La guerre est l'industrie nationale de la Prusse. En effet, depuis le jour de la transformation de l'électorat de Brandebourg en royaume, la Prusse a été essentiellement une puissance militaire. Frédéric Guillaume, le père du grand Frédéric, l'organisateur du fameux régiment de géants de Potsdam, avait, dès 1726, arrêté des prescriptions relatives à la mobilisation de cette fameuse armée de 72 000 hommes qu'il laissa à son fils et dont celui-ci fit l'usage que l'on sait. Un décret de la même époque institua le premier une sorte de conscription générale en vertu de laquelle tous les hommes valides, sauf les nobles, pourraient, en cas de guerre, être appelés sous les armes. Frédéric II, quoique le nombre de ses sujets ne fût que de 5 millions, réussit à former, lors de la dernière campagne de Bohême, deux armées de 100 000 hommes chacune, chiffre énorme pour l'époque. Enfin, si les troupes prussiennes furent vaincues par les nôtres en 1792, cela tint plus à la valeur de nos soldats et de nos généraux, à la nouvelle tactique qu'ils inauguraient, et à l'incurie des généraux prussiens, qu'à la mauvaise organisation de leurs troupes. D'ailleurs, Napoléon s'en rendit bien compte lorsqu'après Iéna, il résolut de prendre des mesures pour empêcher la reconstitution d'une puissance qu'il avait eu tant de mal à vaincre, et qu'il interdit à la Prusse de maintenir sous les armes plus de 42 000 hommes. Mais alors, selon l'expression d'un poète allemand, naquit dans les pleurs, le sang et le désespoir, mais aussi dans la prière et dans la foi à l'idéal de la liberté, la conscience de la patrie. Et malheureusement pour nous, ce qui devait être la ruine complète de la puissance militaire fut la cause de son développement et la source de sa grandeur. Grâce au patriotisme de deux hommes dévoués, Stein et Scharnhorst, qui, l'un dans l'ordre social, l'autre dans l'élément militaire, surent faire d'heureuses réformes et de géniales transformations, la population tout entière reçut un élan considérable, et l'armée fut constituée sur des bases nouvelles, qui, pendant de longues années, firent sourire les nations voisines, mais dont l'effet se révéla comme un coup de foudre à diverses reprises. L'idée de Scharnhorst était très simple. L'effectif devant être réduit, il n'y avait qu'à abréger la durée du service, et faire ainsi, dans un même nombre d'années, passer un plus grand chiffre d'hommes sous les drapeaux, de façon à former avec les soldats instruits libérés des troupes de réserve, dont le premier essai avait été tenté, mais sans succès, en 1806, avec deux bataillons qui se battirent à Kolberg. Après la retraite de Russie, quand la Prusse, s'étant levée à son tour, marcha contre la France, et que son général York eut fait défection, un grand mouvement d'enthousiasme amena un soulèvement national où toute la population valide du pays fut entraînée et forma en peu de temps une armée de 120 000 hommes, bientôt portée à 300 000. La paix rétablie, les principes posés par Scharnhorst en 1809 furent consacrés définitivement, et cette fois sans qu'un maximum d'effectifs en arrêtât les faits, dans la loi du 3 septembre 1814, loi fondamentale de l'organisation allemande actuelle, où se trouve ce principe de notre constitution républicaine, tout citoyen doit à son pays le secours de son bras. Ce service est personnel et obligatoire. Un an plus tard, une ordonnance royale réorganisait la Landwehr en y incluant un second banc comprenant les hommes de 33 à 39 ans et décidait que le Landsturm comprendrait tous les citoyens de 17 à 49 ans capables de porter les armes et n'appartenant ni à l'armée active ni à la Landwehr. D'après ces lois, le service militaire était donc de 32 ans, savoir de 20 à 23 ans dans l'armée active, de 23 à 25 dans la réserve, de 25 à 32 dans le premier banc de la Landwehr, de 33 à 39 dans le second banc, de 17 à 20 et de 39 à 49 dans la Landsturm, qui n'était pas organisée et n'était en réalité à cette époque qu'une levée en masse, un véritable tumultus analogue à celui des anciens. Cette organisation permettait à la Prusse de disposer, en cas de guerre, d'une armée de 530 000 hommes, la plupart instruits. À la suite de nos défaites et devant le calme extérieur, l'enthousiasme qui avait accueilli à son apparition l'extension du système de Scharnhorst s'éteignit peu à peu, et la paix se prolongeant, les charges qu'entraînait cette organisation furent jugées inutilement lourdes et amenèrent le gouvernement à laisser en congé la majeure partie des hommes et à ne conserver que des cadres restreints, modifications qui entraînèrent la constitution d'un nouveau système de mobilisation. En 1833 même, la durée du séjour sous les drapeaux fut réduite à 2 ans. Mais lorsque les événements de 1848 ayant éclaté, l'autorité s'aperçut que l'esprit militaire s'était considérablement réduit, en voyant le peu d'enthousiasme avec lequel les hommes de la Landwehr, convoqués, répondaient à l'appel. Lorsque 2 ans plus tard, elle vit se renouveler les mêmes difficultés au moment de sa mobilisation contre l'Autriche, elle ramena à 2 ans et demi d'abord, puis à 3 ans, la durée du temps du service dans l'active. Après qu'on l'eût mobilisé en 1854, au moment de la guerre de Crimée, et en 1859, à l'occasion de la guerre d'Italie, l'armée prussienne ne sembla pas suffisante pour résister à la nôtre, au cas où l'ambition du nouvel empereur le pousserait à marcher contre la Prusse. D'ailleurs, à cette époque, l'empereur actuel était prince régent, et le chancelier se lançait dans la diplomatie. Le 1er février 1860, le général von Roon présenta à la Chambre des représentants un projet de réorganisation d'après lequel le contingent était porté de 40 000 hommes à 63 000, augmentation qui, étant donné l'accroissement de la population depuis 1815, n'entraînait en réalité aucune aggravation de charges pour le pays. La durée du service dans la réserve était doublée, c'est-à-dire portée à 4 ans. En revanche, le service dans la Landwehr se voyait réduit à 5 ans dans le premier banc et 7 ans dans le second. Pendant 6 années, le souverain et les députés luttèrent. Le roi de Prusse, usant du droit que lui conférait la loi, doubla presque les cadres de l'armée et prescrivit le versement dans la réserve des 2 contingents les plus jeunes de la Landwehr. De son côté, la Chambre rejeta chaque année le budget de la guerre et, malgré plusieurs dissolutions, s'obstina dans sa résolution à ne pas laisser réaliser ce système, qu'elle considérait comme entraînant une aggravation des charges du royaume. Et dans la guerre du Danemark, en 1864, prouva cependant l'excellence et les avantages, puisqu'au lieu d'être obligé, comme cela eût été inévitable avec l'ancien système, de rappeler 20 000 Landwehriens pour mobiliser les 3 corps d'armée qu'elle mit en ligne, l'autorité militaire put avec le nouveau se contenter d'en rappeler 3 000. Les succès de la campagne de Bohême en 1866 obligèrent enfin les représentants à se soumettre et à accorder au gouvernement tout ce qu'il demanda pour continuer son œuvre de militarisation. Pendant cette campagne, 670 000 hommes environ furent mis sur le pied, dont 326 000 entrèrent en ligne dès le début. Ce fut là que, pour la première fois, l'Europe ébahie comprit la véritable importance de cette Landwehr tant raillée et apprit subitement qu'elle n'était pas seulement magnifique sur le papier, mais aussi sur le champ de bataille. Comme exemple de la valeur des hommes de la Landwehr, on cite ce fait. Pendant la retraite qui suivit le combat de Langensalza contre les Hanovriens, le bataillon de Landwehr de Potsdam fut entouré par la cavalerie ennemie et se forma de suite en carré. Rendez-vous, leur crie le commandant hanovrien. Reprenant à leur compte, inconsciemment sans doute, le mot de la vieille garde à Waterloo, le Landwehr de Berlin ne se rend pas, répondent-ils. Elle défend son drapeau. Aussitôt, la cavalerie charge, visant avec sang-froid. Les Landwehriens tirent à bout portant, abattant un grand nombre de chevaux des premiers rangs qui forment obstacle aux suivants et leur permettent de se retirer sans être rompus, mais après de lourdes pertes. Cet épisode et quelques autres de la campagne furent une véritable révélation de ce que pouvaient donner des réserves instruites et bien encadrées, luttant contre des troupes vieillies sous les drapeaux. Après le traité de Prague, le roi Guillaume et son chancelier, profitant de l'accroissement du territoire qu'ils avaient obtenu et de l'influence que leur victoire leur donnait sur les États voisins, s'emparèrent des ressources militaires qu'ils offraient et s'empressèrent d'étendre à leur population les principes qui leur avaient si bien réussi en Prusse. C'est à partir de ce moment, et avec l'organisation que nous allons étudier, que la Prusse se prépara à la lutte de 1870. D'après la constitution votée en 1867 par le Parlement des États de la Confédération du Nord, et grâce à des conventions militaires passées avec les États du Sud, Bavière, Wurtemberg, Duché de Bade, il fut convenu que la loi prussienne, légèrement modifiée le 9 novembre de cette même année, serait applicable à ces diverses puissances dont les forces militaires étaient placées sous les ordres du roi de Prusse, généralissime de la Confédération. Le deuxième ban de la Landwehr fut supprimé par cette même loi, et par suite, la durée du service réduite à 12 ans. Mais cette suppression ne fut pas faite tout d'un coup. Au contraire, le gouvernement eut la faculté de ne libérer que progressivement, et selon les éventualités des Landwehriens des contingents les plus anciens, de sorte qu'en 1870, l'Allemagne put disposer encore, dans les anciennes provinces, de plusieurs classes de cette seconde partie de la Landwehr, dont le dernier contingent n'a été libéré qu'en 1882. L'application du service militaire personnel et obligatoire fut une nouveauté pour la plupart des États confédérés, qui jusqu'alors n'avaient eu que le système de recrutement par tirage au sort, avec faculté de remplacement, séjour très court dans l'armée active, et ne connaissaient pas l'emploi des réserves. Néanmoins, certains d'entre eux ne voulurent pas se laisser absorber complètement par l'armée prussienne, et gardèrent leur autonomie, qu'ils ont encore conservée après la formation de l'Empire d'Allemagne. Tel fut le cas du royaume de Saxe. Mais, par les dispositions de la Constitution et par le vote du budget de la guerre pour une durée de 5 années allant jusqu'au 31 décembre 1871, le roi de Prusse restait le maître de toutes ses forces, s'élevant alors à 1 500 000 hommes sur le pied de guerre. Effectivement, les Allemands ont employé contre nous, pendant la dernière campagne, 1 495 000 hommes, sur lesquels 1 147 000 ont passé notre frontière. L'effectif considérable de ces troupes, et bien plus encore l'esprit qui les animait, les méthodes qui présidaient à leur instruction, eussent dû émouvoir nos gouvernants. On sait qu'il n'en fut rien, et que la mort malheureuse du maréchal Niel, qui seul eût pu faire quelque chose, vint nous rejeter dans l'impéritie où nous végétions. Et cependant, plus on lit, plus on regarde derrière soi, plus on retrouve de gens qui, à cette époque, signalèrent le danger. Dans son numéro du 1er janvier 1870, notamment, la Revue des Deux Mondes publiait un article sur l'armée prussienne, dont l'auteur, après avoir exposé longuement les règles constitutives de cette armée, disait « Si les détails qui précèdent ont bien fait sentir la nature des éléments dont se composent les forces de l'Allemagne du Nord, on doit être frappé de l'étroite corrélation qui existe chez nos voisins entre l'armée et la société civile, comme de l'harmonie avec laquelle toutes les parties actives de la population concourent à la grandeur militaire. L'état d'un peuple si bien disposé pour entrer en lutte est fait pour inquiéter les nations voisines. » À la suite de la constitution de l'Empire allemand, les institutions militaires de la Prusse furent étendues à tous les autres États. Cependant, la Bavière a conservé son armée indépendante. Elle a un ministre de la guerre à elle, et un budget dont le chiffre total est seul fixé par le Reichstag, et qu'elle dépense comme elle l'entend. De même, la Saxe et le Württemberg ont chacun leur armée et leur ministre de la guerre. Enfin, quelques autres petits États continuent à former, dans les corps d'armées allemands, des divisions, des régiments, voire même de simples bataillons, distincts de ceux de la Prusse. La loi qui étendit à tout l'Empire les dispositions de la loi prussienne du 9 novembre 1867 date du 2 mai 1874. Elle fixait à 401 659 hommes l'effectif des troupes à entretenir sur le pied de paix, pendant une période de 7 années, expirant le 31 décembre 1881, organiser le Landsturm et en déterminer légalement les règles d'emploi. À la suite de l'adoption de notre loi des cadres, en mars 1875, la presse officieuse commença à préparer le public allemand à l'idée d'un accroissement d'effectifs, et par suite de budget. On se souvient de l'émotion que ces articles entretinrent à cette époque parmi nous, et des présages de guerre que la littérature reptilienne nous laissa entrevoir. D'ailleurs, conclusion naturelle à tous ces bruits, il était indispensable pour l'Allemagne de prendre des mesures de compensation et d'augmenter ses forces. Des projets de loi furent alors soumis au Reichstag en vue d'autoriser diverses modifications ou créations peu importantes en somme, mais surtout destinées à préparer les voies. Le Parlement n'en accepta que quelques-unes. En 1876, les propositions rejetées sont acceptées, les garnisons d'Alsace-Lorraine renforcées, opérations continuées en 1877, 1878, 1879, et l'on arrive enfin en 1880, où la loi du 6 mai prolonge de 6 mois la durée du service, en prescrivant qu'à l'avenir, le passage de la réserve dans la Landwehr et la libération de la Landwehr auraient lieu non plus en automne, saison de l'incorporation des recrues dans l'armée active, mais au printemps suivant. En même temps, l'effectif de paix était augmenté de 26 615 hommes et porté à 427 274 hommes, pour une période de 7 années, expirant le 31 décembre 1888. Depuis cette époque, chaque année, par une série de perfectionnements mûrement étudiés, l'armée allemande a continué à se rapprocher de cet idéal d'organisation que rêve d'atteindre le feld-maréchal de Moltke et le chancelier. Mais comptant encore de l'effectif permanent dont ils disposaient, ils ont l'an passé, après les péripéties que l'on sait, obtenu du Reichstag une nouvelle augmentation de 41 135 hommes, portant à 463 409 l'effectif budgétaire permanent jusqu'au 31 mars 1894. Maintenant, c'est le Landsturm qu'il s'agit d'organiser d'une façon complète. C'est la Landwehr dans laquelle il s'agit de rétablir l'ancienne division en deux bancs. C'est l'armée tout entière dont il s'agit de modifier, par des combinaisons nouvelles de l'active et des réserves, la formation en cas de guerre. Mais avant de nous lancer dans l'analyse de ces nouvelles créations, il est bon d'exposer, tel que l'ont fait les diverses lois qui l'ont modifiée, la loi de recrutement à laquelle sont soumis aujourd'hui les sujets de l'Empire allemand. D'après la loi de 1874, modifiée par celle de 1880 et de 1887, tout sujet allemand doit le service militaire depuis 17 ans jusqu'à 42 ans révolus. Avec la nouvelle loi, la durée du service est augmentée de 3 ans et l'âge de la libération définitive est porté à 45 ans. Le service est personnel, obligatoire, et n'admet ni exonération, ni substitution, ni remplacement, ni exemption complète du service, pas même pour les membres du clergé et les instituteurs, qui sont soumis à des périodes d'exercice en temps de paix et appelés comme brancardiers en temps de guerre. La population de l'Empire, d'après le dernier recensement, est de 47 millions, qui représente 400 000 jeunes gens de 20 ans, sur lesquels 161 562 ont été pris en 1886, les autres ayant été ajournés pour constitution incomplètement développée. Le reste est divisé en deux catégories. Dans la première sont classés tous ceux dont l'aptitude physique ne laisse rien à désirer. Ils tirent seuls au sort et forment, dans l'ordre des numéros de tirage, le contingent déterminé chaque année par le ministre de la Guerre, d'après le chiffre des vacances à combler pour parfaire l'effectif permanent du pied de paix, chiffre fixé pour 1887 à 154 565. Les hommes ainsi désignés sont incorporés vers le 1er novembre et astreints à un séjour sous les drapeaux dont la durée varie avec l'arme à laquelle ils sont affectés. En principe, le temps de présence dans l'armée active est fixé à 3 ans, qui, dans l'infanterie, se réduisent généralement à 34 ou 35 mois, et même à 2 ans seulement pour un certain nombre d'hommes, les plus instruits, envoyés chaque année en congé du roi dans leur foyer. Dans la cavalerie, un grand nombre d'hommes contractent un engagement de rester 4 ans, en échange duquel la durée de leur service dans la Landwehr est réduite de 2 années. Au contraire, les conducteurs du train ne restent que 6 mois, et les brancardiers 1 an et demi seulement dans l'armée active. À l'expiration de leur séjour dans cette armée, les hommes passent dans la réserve, où ils comptent pendant 4 ans et demi, puis entrent dans la Landwehr. C'est à partir de ce moment que la loi votée par le Reichstag modifie l'ancien ordre des choses. Avant ce vote, la durée du séjour dans la Landwehr était fixée à 5 ans, au bout duquel l'homme, qui avait alors 32 ans, comptait dans le Landsturm. Revenant à l'organisation de 1859, la loi nouvelle rétablit l'ancienne division de la Landwehr en deux bancs et reconstitue le second banc que la loi du 9 novembre 1867 avait supprimé. De telle sorte qu'avec la nouvelle législation, la durée du séjour dans la Landwehr est portée à 12 ans, 5 dans le premier et 7 dans le second banc, ce qui porte à 39 ans l'âge du passage dans la Landsturm, c'est-à-dire augmente de 7 classes l'effectif de la Landwehr. D'autre part, tous les hommes de la réserve de remplacement, c'est-à-dire ceux qui chaque année restent en excédent du nombre des incorporés, la deuxième partie du contingent annuel laissée de côté comme moins bonne, et les dispensés du service actif en temps de paix à titre de soutien de famille, et qui jusqu'ici divisés en deux classes étaient destinés à tenir sans cesse au complet réglementaire l'effectif de paix de l'armée, sont affectés de 30 à 39 ans au second banc de la Landwehr. Enfin, le Landsturm est également divisé en deux bancs. Dans le premier sont rangés tous les hommes valides, sans instruction militaire, de 17 ans à 39 ans. Dans le second, tous les Allemands âgés de plus de 39 ans et de moins de 45 ans. En somme, avec la nouvelle législation, l'Allemagne disposera pour son armée de première ligne de 19 contingents instruits, tandis que la France n'en a que 14 et la Russie 15. En ce qui concerne le Landsturm, la loi n'aura pas d'effet rétroactif. Quant aux effectifs, voici le tableau qu'en a donné un député au Reichstag, le major Hinze, dans une étude toute récente. Premier combattant de première ligne d'après l'ancienne loi. Cette classe d'actifs 1882 à 1888, 1 050 000 hommes. 5 classes de Landwehr de 1877 à 1881, 598 000 hommes. 7 classes d'Ersatzreserve exercées, hommes à la disposition de l'autorité militaire, de 1887 à 1881, 96 000 hommes. Total, 1 753 000 hommes. L'ancienne loi n'établissait qu'une catégorie de Landwehr. La loi nouvelle en crée deux autres, renforce les combattants de première ligne dans l'énorme proportion que voici. Total des combattants d'après l'ancienne loi, 1 753 000 hommes. 7 classes de Landwehr, deuxième catégorie, de 1876 à 1870, 723 000 hommes. 3 classes de Landwehr, troisième catégorie, de 1869 à 1867, 270 000 hommes. Total, 2 746 000 hommes. Ce serait donc, d'après le major Hinze, 1 000 000 de combattants de plus que la nouvelle loi ajouterait à l'effectif de guerre actuel de l'armée allemande, et non pas 7 à 800 000 hommes, comme l'a prétendu le général Bronsart de Schellendorf. Bien plus, toujours d'après le major Hinze, quand la loi nouvelle pourra être pleinement appliquée, 3 autres classes de la Landwehr de troisième catégorie seront à ajouter encore, soit 214 000 hommes. De cette façon, l'armée de première ligne comptera en chiffres ronds 2 960 000 combattants, ayant tous reçu une instruction militaire. Arrivons aux troupes de seconde ligne. Elles sont plus nombreuses encore. La seconde ligne ne comprend que des hommes n'ayant pas reçu d'instruction militaire jusqu'à ce moment, bien que tous soient capables de porter les armes. Elle se décomposera en automne 1888 de la façon suivante. 10 classes de Ersatzreserve non exercées, 750 000 hommes. 19 classes de Landsturm, réserve de l'armée territoriale, première catégorie, de 1888 à 1876, 1 308 000 hommes. 3 classes de Landsturm, deuxième catégorie, de 1869 à 1867, 282 000 hommes. 3 classes de recrues de 1889 à 1891, 885 000 hommes. Total, 3 255 000 hommes. Comme pour les troupes de première ligne, plus tard, 3 autres classes de Landsturm deuxième catégorie, soit 225 000 hommes, viendront encore à s'ajouter à ce total, qui sera alors de 3 480 000 hommes. L'armée allemande compterait donc, sur le papier du moins, troupes de première ligne, 2 960 000 hommes, troupes de seconde ligne, 3 480 000 hommes, total 6 440 000 hommes. Soit 6 millions de soldats en chiffres ronds, c'est-à-dire environ 15% de la population totale de l'Allemagne. On le voit, comme le disait dans une de ses remarquables études M. Malo, notre éminent confrère du Journal des débats, en cas de péril national, le gouvernement dispose pour la guerre d'abord de toute la partie vigoureuse de la population mâle et ensuite du reste. Mais il est bon de ne pas se laisser prendre aux multiplications des statisticiens. Si en mathématiques 2 et 2 font 4, il n'en est pas de même en ce qui concerne la composition des armées. Nos voisins d'ailleurs savent aussi bien que nous à quoi s'en tenir à ce propos. Et si en prévision d'un péril national, ils ont voulu constituer à l'avance la mise en état de guerre de toute la population afin de tirer meilleur parti, selon les paroles de M. de Bismarck au Reichstag, de l'amour belliqueux de la patrie qui en 1813 a appelé sous les drapeaux la population tout entière de la Prusse, ils savent bien qu'en réalité, c'est sur les soldats et non sur les hommes qu'il faut compter, c'est-à-dire sur cette seule fraction des hommes qui ont reçu une instruction militaire suffisante, et que l'on peut évaluer, une fois la nouvelle organisation en vigueur, à 3 millions de soldats parfaitement exercés, dont 2 millions aux armées d'opération et 1 million en seconde ligne. Mais ce n'est pas seulement par l'extension de la durée du temps de service et l'accroissement des effectifs que l'armée allemande se trouve renforcée, c'est surtout par les nouvelles règles d'utilisation de ces divers éléments. Il est en effet incontestable qu'à l'avenir, encore plus que par le passé, l'Allemagne emploiera indistinctement tous ses soldats instruits aux diverses formations de campagne, sans s'occuper si par leur âge ils sont ou ne sont pas de l'active ou de la réserve. Comme le disait récemment l'Avenir militaire, le conscrit, une fois instruit, devient pour l'État un capital précieux que l'on conserve avec un soin jaloux et auxquels on fait produire le plus possible d'intérêt. Aussi, sans s'inquiéter du plus ou moins d'équité de son mode de répartition des charges, l'autorité militaire recourra-t-elle plus volontiers à un homme de 35 ans instruit qu'à un dispensé de 25 qui n'aura fait qu'assister à quelques courts appels? Il paraît donc évident qu'au jour d'une guerre prochaine, l'Allemagne, derrière ses corps d'armée composés d'hommes de l'active, de la réserve et même de la Landwehr, formés en 39 divisions, fera marcher presque aussitôt qu'elle 19 divisions et demie d'armées de réserve comprenant des réservistes et des landwehriens. Les compagnies, escadrons, batteries, bataillons et régiments de ces divisions seront tous commandés non par des officiers de réserve ou de landwehr, mais par des officiers de l'armée active, dit le général A. dans une récente brochure, Les réformes dans l'armée française, Baudouin éditeur, qui a fait beaucoup de bruit. Et ils auront même sous leurs ordres un certain nombre d'officiers de l'armée active pour pourvoir selon la hiérarchie au remplacement de leurs supérieurs mis hors de combat. Telle est la nouveauté, la surprise que l'Allemagne réserve à l'Europe, et en particulier à la France. En résumé, l'Allemagne est arrivée peu à peu, lentement mais sûrement, à obtenir des résultats effrayants dans l'organisation et la constitution de ses troupes. Pour garder son prestige et assurer sa suprématie militaire, elle ne se laisse retarder par aucune considération, ni la crainte de lasser la population en la soumettant à des charges trop longues, ni celle d'obérer son budget par les dépenses formidables sans cesse renouvelées qu'entraîne la mise à exécution de tous ses perfectionnements. Mais il doit se dégager de tout cela une conclusion grave devant laquelle nous n'avons pas à hésiter. Il faut que nous ne nous laissions pas dépasser par l'Allemagne dans cette voie où elle nous entraîne. Une disposition nouvelle introduite dans la loi organique militaire va porter à 45 ans, chez nous comme chez nos voisins, l'âge de la libération définitive des obligations militaires. Il faut en outre que des modifications introduites dans les lois existantes nous permettent d'utiliser dans d'autres conditions que celles actuellement prévues les troupes de la territoriale, qui évidemment est appelée à rendre en France les mêmes services et à remplir le même rôle que ceux qui incombent en Allemagne à la Landwehr, c'est-à-dire à entrer aux besoins dans la composition des troupes de campagne. Fin de la section 73.